Galaxy Live. Thank you. Sexy Live. Et bien voilà, c'est sur le Zolex Blackout sur Dance Opera qu'on referme ce premier chapitre de la Soul Rétro numéro 3, mix enregistré par l'Escape Concept forcément et un petit peu Galaxy avec justement ce set qui vous sera diffusé une nouvelle fois semaine prochaine, peut-être pas le même car c'est la suite qu'on attendra semaine prochaine, mardi entre 20 et 21 avec la deuxième partie donc du mix de Vince enregistré pour la Soul Rétro numéro 3, l'Escape Concept pour, c'était le 9 février dernier, donc c'est tout chaud, tout frais, ça dépend dans le sens que vous voulez. En tout cas, c'est uniquement sur la fréquence de Galaxy.